Et pourtant, souviens-toi, terre, des premiers âges, alors que tu n'avais, dans le spleen des longs jours, que les pantoums du vent, la clameur des flots sourds et les bruissements argentins des feuillages. Mais l'être impur paraît, ce frêle révolté de la sainte Maya déchire les plus beaux voiles, et le sanglot des temps jaillit vers les étoiles. Mais dors, c'est bien fini, dors pour l'éternité. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort.